village de terre. Mona bali mo bali pona kitoko na ye amufu na kati na bango kasi matata na tako mariage d'amour. Nyonso wala soki confiance ezali bolingo ekoumbela ouwe le problème mariage d'amour ou mariage d'intérêt ouwe le problème nalingani lokola bakufa kakosala nyonso bolingo eumbela eumbela. Oh, you know.